Hey. J'ai fait du sale, je serais sûrement condamné. Retour de flamme pour les cœurs que j'ai peinés. Les gars comme moi finissent par se faire cramer. Tu plantes une graine puis tu la laisses faner. C'est même pas juste mais j'aime être pardonné. J'ai toujours peur de finir abandonné. Faut tout assumer à un moment donné. Faut tout assumer à un moment donné. J'ai appris, j'ai compris, mais je fais encore l'imbécile. Tu subis, tu résistes et c'est ton corps qui se vide. Moins complice, plus de vice, plus la force de me dire oui, c'est fini, c'est fini. Et c'est la porte qui me confie. Je garde l'espoir que tu me laisses, mon corps, mon corps. Chance, mon corps. Et ça me manque de sentir ton recours, recours. Sentir ton recours. Je garde l'espoir que tu me laisses, mon corps, à ta chance, mon corps. Et ça me manque de sentir ton recours, recours. Sentir ton recours. J'effacerai tout sur le champ s'il fallait. Pour garantir nos 20 prochaines années. J'ai le sentiment que tu ne vas pas m'épargner. Et je m'excuse même pour nos enfants pas nés. J'ai joué sachant qu'il n'y avait rien à gagner. J'étais celui qui était censé te soigner. Maintenant ton cœur ne cherche qu'à s'éloigner. Tu nous as tous mis dans le même panier. Je t'imagine loin d'ici. Ton bonheur, mon supplice. Qui m'a dit de faire l'erreur d'une vie. J'ai fait le pire, je suis maudit. Je peux encore reconstruire. Mais c'est fini, c'est fini. Et c'est la porte qui me conduit. Je garde l'espoir que tu me laisses. Mon corps, chance, mon corps. Et ça me manque de sentir ton recours, recours. Sentir ton recours. Je garde l'espoir que tu me laisses. Mon corps, à ta chance, mon corps. Et ça me manque de sentir ton recours, recours. Sentir ton recours.